Le président national du Parti progressiste du peuple du Nigeria, Damien Ogbonna, co-président du comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des Kwanza Mbektusan 2017 et président du comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen, a publié une communication pour féliciter la Corée de sa réussite au tir d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14.